Ouais, c'était pas mal. Je rentrais du boulot, j'ai écouté ce morceau, c'était pas mal, il y a ce petit côté un peu funky. Alors je sais pas qui c'est qui faisait. Tu faisais JP, tu faisais la rythmique toi, non? Parce qu'il y avait un espèce de. Comment on appelle ça? Un combat de guitare. Ouais, la séquence était un peu. GM de merde. Du GM, c'est général merdique. C'est pas grave, on s'en fout. Non, j'ai bien aimé le changement de style. Enfin, je l'ai dit, hein, si c'était de la merde, j'aurais dit c'est de la merde. Là, c'est pas de la merde. C'était, comment on dit, une battle de guitare. Sont repartis en sommeil. Putain, les mecs, ils attendent que j'ai fini de bosser pour dormir. Ah putain. Thank you. un refrain. We'll be right back. Thank you. Un peu de batterie, un truc très rock. Parce qu'il faut prendre de la drogue avant de rentrer dans la soirée. Sinon vous n'allez pas comprendre. Thank you. Au milieu, un son normal au milieu de. Contagious. J'ai faim, ouais. Bon, je me suis bien amusé. Bon appétit.